Le quatrain du vicomte par Ponson du Terrail. Midi sonnait, le temps était magnifique. Le mois de mai, en véritable étourdi qui ne doute de rien, s'était trompé de 6 semaines. Il était arrivé le 15 mars, en la gracieuse année 1700 et quelques, sous le règne de Louis le Bien-Aimé. Dans les vastes jardins qui formaient les derrières des grands hôtels du Marais, l'aristocratique quartier par excellence, on ne voyait que fleurs écloses, arbustes poudrés à frimas et pelouses vertes. Les oisillons chantaient dans les massifs, que c'était merveille. Le soleil était tiède, le vent doux, ainsi qu'est un poème d'un philosophe ami de la nature, les carrosses roulaient à grand bruit et les amoureux soupiraient tout bas. Sur la place royale, ce n'était que galant seigneur enrubanné et l'épée en perrouille, mousquetaires et gardes françaises, tournant avec fatuité les crocs lissés de leurs moustaches. Chez la petite baronne, à l'angle nord de la place, le feu du boudoir s'éteignait. Manette, la camérière, ne songeait point à le rallumer, et serrait les boîtes à poudre, les couteaux et les mouches inutiles de la toilette de sa maîtresse. La petite baronne était coiffée, habillée, prête à sortir. Son carrosse attendait sous les arceaux. Les deux chevaux pis, qui devaient l'entraîner avec la rapidité de l'éclair, piaffaient d'impatience. Tambourino, le petit lévrier favori, sautillait du sofa à la bergère et de la plaque du foyer à son oreiller placé dans le fond de la ruelle, frétillant de la queue, pointant les oreilles, tant il avait hâte de s'étaler sur les coussins de la calèche. Manette elle-même jetait à la dérobée un regard mutin par la fenêtre sur un beau Suisse qui retroussait galamment sa moustache et se promenait sous les arceaux, le poing sur la hanche. Et cependant, la petite baronne ne bougeait, et à demi renversée sur sa bergère, elle s'éventait coquettement le visage et rêvait le plus délicieusement du monde. La petite baronne avait 20 ans, l'âge des rêves roses, un mutin sourire, un œil agaçant et de blonds cheveux qui se fussent passés de la poudre, si la poudre n'eût été de rigueur pour une femme de qualité. Lorsqu'elle s'agenouillait, à la messe ou au sermon, sur son coussin de brocart, et feuilletait de sa petite main creusée de fossettes un beau livre d'or orné de merveilleuses estampes, elle devenait le centre d'un groupe admirateur de jeunes roués et de galants seigneurs qui se faisaient dévots pour l'amour d'elle. J'ai la belle marquise de Prie qui régnait alors sur la France, en empruntant le nom de son Altesse le duc de Bourbon, quand la petite baronne entrait, c'était des rumeurs élogieuses et de flatteurs murmures à dépiter la séduisante marquise elle-même, si la marquise et la petite baronne n'eussent été fort bonnes amies. La petite baronne était riche, belle, adorée. C'était assez pour lui mériter un vieux mari infatueux de sa noblesse, aimant les philosophes, des hommes ennuyeux, et les poètes, des gens crottés. Un mari laid, goutteux, égrillard, possédé de la manie d'écrire des sonnets et de composer des charades, un mari enfin, ainsi qu'il convient d'en avoir un pour une femme charmante, qui cherche une excuse à risquer un faux pas. Point. Le baron était un joli garçon, spirituel, un peu timide, rose comme un pensionnaire, aimant ainsi qu'un écolier, buvant mal, qualité rare en cette époque légèrement ébriolée, jouant peu, et brave comme feu le régent qui avait été son parrain. Le petit baron et la petite baronne s'adoraient. Les pigeons du bon La Fontaine pouvaient, auprès d'eux, être taxés de tiédeur. Ils se quittaient peu, dînaient en tête à tête chaque jour, dansaient ensemble le menuet et jouaient aux échecs tous les soirs, riant et se taquinant comme deux étourdis. En vérité, il eût été téméraire d'affirmer que la petite baronne, qui se nommait la Sténie, un nom grec alors à la mode, n'était pas la plus heureuse et la plus enviée des femmes. Et pourtant, ce jour-là, malgré le soleil, le printemps, les fleurs et les parfums, tout ce qui fait la vie bonne et charmante, la petite baronne était triste, maussade, et elle ne songeait plus à sortir, bien qu'elle eût tout fait disposer pour cela. Un quart d'heure s'était écoulé, puis un autre et encore un autre. Manette s'impatientait, la bouche close, Tambourineux sautait de plus belle, l'éventail allait son train toujours, la petite baronne ne bougeait. Tout à coup elle se leva, jeta l'éventail et dit à Manette « Fais ôter les chevaux, je ne sortirai pas. » Et la petite baronne se prit à pleurer et versa de grosses larmes qui eussent ému l'homme le plus dur et la femme la plus grassouillette. Rien n'est insensible comme une femme chargée d'embonpoint. La petite baronne eut parfaitement pu pleurer fort longtemps, si le bruit d'un carrosse ne se fût fait entendre à la porte de l'hôtel et si, deux minutes après, le grand laquais chamarré qui se tenait dans l'antichambre n'eût ouvert les deux vantaux du fond et annoncé « Madame la marquise de Prie ». La petite baronne essuya à la hâte les perles qui roulaient sur le duvet de ses joues et courut à la rencontre de la marquise. « Bonjour, chère belle, » dit celle-ci, « j'arrive de Chantilly, et tout en courant, je viens chez vous. Avez-vous du chocolat à me donner ? J'en raffole. »« Sans doute, marquise. »« Mais quoi ? » s'écria madame de Prie. « Vous pleurez, chère mamie. Vos yeux sont rouges et vos lèvres pâles. Ah, mon Dieu, que se passe-t-il donc ?» Et la marquise congédia d'un geste Manette qui ne demandait pas mieux, entraîna sa petite baronne sur le sofa, la fit asseoir auprès d'elle, prit ses deux mains dans les siennes et continua. « Voyons, mamie, je suis votre aînée d'au moins 6 mois. On peut me regarder comme une vieille amie et me tout confier. Pourquoi ces pleurs ? Est-ce un chagrin, une migraine, une fantaisie impossible ou une querelle d'amour ? Le petit baron aurait-il bu hier ou bien aviez-vous les nerfs agacés ce matin ? Rien de tout cela, murmura la petite baronne. Qu'est-ce alors, chère mamie ? Je suis jalouse. Minaudet l'asthénie. Ceci est impossible, riposta résolument madame de Prie. À moins que le petit baron ne soit fou ou qu'il m'aime. Dans ce dernier cas, acheva la marquise en riant, « N'ayez crainte et ne pleurez plus, je les conduirai de la belle manière, je... »« Doucement, mamie !» interrompit la petite baronne. « Je ne vous ai point dit qu'il aimât une autre femme que moi. »« Eh bien alors ?»« Il a un ami. »« Ah !» s'écria la marquise, éclatant de rire. « Ceci devient étourdissant. »« Il a un ami, » poursuivit la petite baronne. « Un ami intime, un Pylade, un Isus, un autre lui-même, qui s'est fait son ombre et dont il est devenu l'écho. Il aime son ami presque autant que moi. » L'impertinent. Son ami vient ici chaque jour, à toute heure. Il dîne avec nous. Il fait ma partie d'échecs. Très bien, je devine. Cet ami-là vous fait la cour. Point. Il est donc aveugle. Nullement. Vieux, de mon âge. Laid. Je le trouve charmant. La marquise devint sérieuse et prit un éventail pour se donner une contenance. Décidément, fit-elle, je ne comprends plus et je jette ma langue au chat. Hélas! Soupira la petite baronne. « Mais enfin, quel est cet ami ?»« Le vicomte de Marcenelle. »« Cornet au régiment de Bretagne, cavalerie ?»« Précisément. »« Le régiment qui va entrer en campagne le mois prochain, tout juste. »« Et dans lequel son Altesse compte donner au petit baron l'emploi de guidon ?»« C'est cela même. »« Le vicomte n'est-il pas son cousin ?»« Au 8e degré au moins, marquise. »« Mais il se voyait fort peu autrefois. »« Certainement, oui. »« Il ne se voyait même pas du tout. » Mais un beau jour, ils se sont rapprochés, et depuis les voilà inséparables. Le baron ne jure que par le vicomte, et le vicomte ne saurait faire un pas sans le baron. Mon mari est ensorcelé, Dieu me pardonne. Il devient joueur, il se grise, il ne rougit presque plus. Ma tante, la maréchale, en est scandalisée, et mon cousin, l'abbé de Saint-Gilles, me parle déjà purgatoire à faire frémir un athée. Oh oh ! Fit la marquise, ceci est bizarre. Ah ! S'écria la petite baronne. Ce qui est plus bizarre encore, c'est que le baron accorde à un simple conseil du vicomte ce qu'il refuse à mes prières. Par exemple, vous aimerait-il moins ? Nullement. Peut-être le vicomte est-il l'un de ces ténébreux scélérats qui passent leur temps à brouiller les amants ? Hélas, non ! Il ne cesse de lui répéter que je suis adorable de tout point. Le vicomte a raison, mamie. Mais qu'a-t-il obtenu qu'on vous a refusé ? Ici, deux larmes nouvelles s'échappèrent des beaux yeux de l'asthénie. Il a obtenu que le baron n'irait pas à l'armée. En vérité, qu'il refuserait l'emploi de guidon. C'est incroyable. Et pourquoi ? Parce que, lui a-t-il dit, il ne faut pas tenter Dieu lorsqu'il est prodigue envers vous. Cher baron, lui disait-il, vous avez 20 ans, vous êtes riche, votre femme est une créature incomparable. Qu'avez-vous besoin d'autre chose encore ? Songez, mon ami, que le trépas est aveugle, qu'il peut vous atteindre et briser ainsi votre bonheur et celui de la femme qui vous aime. À la guerre, nul n'est à l'abri d'une balle qui vous frappe au front, d'un cheval qui s'abat et vous étouffe sous lui, d'un coup d'épée qui défigure. Et cette pauvre baronne, que deviendra-t-elle, grand Dieu ? Peste, fit la marquise, mais il est plein de sollicitude pour vous, le vicomte. C'est ce qui me dépite, je vous l'avoue. Et que répondait le petit baron ? Il répondait qu'un gentilhomme est au roi avant d'être à lui-même, que l'honneur est plus fort que l'amour et que son devoir était d'entrer en campagne. Il avait raison, le baron. Et cependant, le vicomte a été si éloquent que mon mari a fini par céder. Ah ça, mamie, interrompit madame de Prie, permettez-moi de penser que le vicomte vous adore et qu'il use de moyens détournés pour s'acquérir votre affection. Vous vous trompez, marquise, le vicomte ne m'aime pas. J'en ai la preuve. Ah ? La preuve est irrécusable. J'en doute. Le vicomte vous aime. Moi ? Vous-même. Tenez, il m'a chargé, pas plus tard qu'hier, de vous parler de sa flamme et de vous faire tenir ce poulet qu'un abérimailleur de sa connaissance lui a composé moyennant 10 écus. Ce cher, minauda la marquise, dépliant le papier ambré qui renfermait le quatrain et 30 lignes d'assez méchante prose dans laquelle le vicomte s'exprimait clairement. La marquise se prit à rire. « Eh bien, dit-elle, voici le mot de l'énigme. C'est par amour pour moi, qui suis votre ami, que le vicomte s'est fait l'ami du petit baron. » « Point, marquise. Il lui suffit de s'adresser à moi. D'ailleurs, le baron n'en sait absolument rien. « Ventre Saint-Gris !» s'écria la marquise avec un petit air martial qui lui saillait. « J'aurai la clé du mystère. Et vous ne pleurerez plus, mamie. Où verrez-vous le vicomte ?»« Je m'étonne qu'il ne soit point venu encore. C'est son heure. À merveille !» dit la marquise. « Je me charge de l'interroger avec la patience et la sagacité d'un juge de l'Inquisition. » La marquise achevait à peine qu'on annonça le vicomte. « Ma chère amie, dit la marquise, passez au salon et me ménagez un tête-à-tête que je souhaite fort. » La petite baronne fut prompte à s'esquiver, et lorsque le vicomte entra, madame de Prie était parfaitement seule, demi-couchée sur le sofa, s'éventant avec autant de coquetterie que l'asthénie tout à l'heure, et rêvant aussi délicieusement, en apparence, que le peut faire une femme qui sait être aimée. Le vicomte s'avança d'un pas délibéré, croyant d'abord avoir affaire à la petite baronne. Mais lorsque la marquise eut tourné la tête, il s'arrêta, un peu interdit, salua jusqu'à terre et témoigna une confusion profonde. Le vicomte était un fort beau cavalier. Il avait à Chantilly, et naguère au palais royal, une réputation de viveur et de roué mérité de tout point. Il était spirituel, disait-on, brave à coup sûr, querelleur, mauvaise tête, prompt à s'éprendre, inconstant comme pas un, et par suite, fort couru d'une ruelle à l'autre. Madame de Prie l'avait remarqué plusieurs fois. La petite baronne, en s'acquittant de sa mission, n'avait point soupçonné, peut-être, tout le plaisir qu'elle causait à la marquise. Cependant, celle-ci était femme, coquette et dissimulée, par conséquent, et le vicomte fut reçu avec un dédain glacial qui, certainement, eût épouvanté et fait rougir le timide petit baron. Mais le vicomte savait par cœur son Chantilly aussi bien que son palais royal. Il se remit promptement de sa feinte émotion, baisa galamment la main de la marquise, s'agenouilla ensuite devant elle, lança à propos quelques œillades et débita imperturbablement une ou deux phrases romanesques empruntées à l'abbé qui lui composait ses quatrains, et 10 minutes après, on ne sait comment d'ailleurs, il se trouva non plus à genoux, mais assis auprès de la marquise, laquelle daigna bien se reprendre à sourire, et Dieu sait tout ce que promettait le sourire d'une marquise poudrée à frima. « Ah ça, vicomte, dit alors madame de Prie, vous savez la nouvelle ?» Le vicomte ouvrit de grands yeux. La petite baronne est désolée, elle pleure. Tout beau, marquise, et pourquoi? Parce que le petit baron a décidément accepté l'emploi de guidon dans votre régiment. À ces mots, dépité d'un ton nonchalant, le vicomte fit un soubresaut et pâlit. Le baron est fou, s'écria-t-il. Fou? Dit la marquise, et pourquoi? Parce qu'accepter du service ne lui sied guère. Douteriez-vous de sa bravoure? Non, certes. De son attachement au roi? « Moins encore. Eh bien alors ?»« Eh bien, » fit le vicomte avec emportement, « quand on est jeune, riche, heureux et aimé, on ne tente pas les prodigalités de la fortune. Une bonne étoile se lasse tôt ou tard. »« Vous exagérez, vicomte. »« Non, de par Dieu, marquise. Et je n'écoute qu'à moitié mon amitié fraternelle pour lui, car je ressens un violent chagrin en songeant que la prochaine campagne va nous séparer. »« Vous aimez donc fort le baron ?»« Comme un autre moi-même. » C'est mon ami, mon parent, et je frissonne à la pensée qu'il suffit d'une balle égarée, d'un cheval qui rue, d'un boulet qui s'enterre pour briser cette existence si jeune, si belle, si pleine d'avenir. En vérité, monsieur, votre amitié est digne des temps antiques. Cher baron, murmura sentimentalement le vicomte, je l'aime comme mon enfant. Et sa femme? Demanda malicieusement la marquise. Ce mot est une longue ingratitude, madame. répondit le vicomte en appuyant ses lèvres sur la belle main de Madame de Prie. Madame de Prie ne répondit pas. Elle examinait le vicomte à la dérobée et se demandait comment il lui serait possible d'arracher au rusé gentilhomme le secret de son amitié exagérée. « Ah ça, dit-elle tout à coup, je vois que vous avez une affection vive pour votre parent et l'aimez fort. Mais alors laissez-moi vous faire un serment. » « Le prédicateur est séduisant, marquise. Le petit baron tire-t-il bien l'épée ? S'il avait un duel. « Au ciel ! » fit le vicomte épouvanté. « Je me battrais pour lui 10 fois plutôt qu'une, cher baron. Alors permettez-moi de vous traiter de franc étourdi. « Moi ? Vous-même ? Mon Dieu ! » dit la marquise ingénument. « Nous avons notre petite police secrète, monsieur de Bourbon et moi, sans compter celle de Richelieu, qui est une police en jupon et à nous trois. » Le vicomte fit la grimace. « À nous trois, continua la marquise, nous savons à peu près tout. Et il n'est pas un gentilhomme de marque, vous par exemple, dont les actions ne nous soient connues, en vérité. Or, je sais par là même, vicomte, que vous entraînez le baron chaque jour en une foule de lieux où rien n'est plus aisé à rencontrer qu'une bonne querelle suivie d'un coup d'épée. Ne suis-je point là pour me battre en son lieu et place ? C'est juste. Mais savez-vous bien que c'est chose triste qu'un duel ? Bon, une misère. Le jeune roi ne les aime point. Je le sais. Et monsieur de Bourbon, moins encore. Pouah ! Vous n'ignorez pas qu'il s'est catégoriquement expliqué et qu'il a dit formellement que le gentilhomme qui croiserait le fer à la suite d'une altercation légère serait exclu de l'armée et ne pourrait entrer en campagne. Je le sais, marquise, mais que voulez-vous ? Et le vicomte fit un geste de résignation héroïque. Tout aussitôt, des pas précipités retentirent dans l'antichambre. La porte s'ouvrit, le petit baron entra. Le petit baron était pâle, blême. Son regard brillait de colère. Il avait les lèvres crispées. Il salua la marquise, alla droit au vicomte. « Mon ami, viens avec moi. » « Où cela ? » ?»« Dans la rue, à 2 pas. »« Pour quoi faire ? » ?»« Pour me servir de témoin. »« De témoin ? » s'écria la marquise. « Un duel ?» exclama à son tour avec effroi la petite baronne, qui, de la pièce voisine, avait tout entendu et accourait éperdue. « Il le faut, » dit le baron. Le vicomte était devenu fort calme au grand étonnement de la marquise, et il écoutait le baron froidement, au lieu de manifester cette émotion qu'on avait le droit d'attendre de sa vive amitié. « Il le faut, » reprit le baron, « j'ai été insulté. » « Par qui ?» Par un gentilhomme que je ne connais pas, mais que j'ai rencontré dans les antichambres du duc de Bourbon. Ah ? Fit négligemment le vicomte. Comment ? Dit la marquise. Vous venez de chez le duc ? Oui. Il m'a fait appeler à 8 heures du matin. C'est bizarre. Pour m'offrir de nouveau l'emploi de guidon au régiment de Bretagne. Ma foi, pensa la marquise. Je ne savais absolument rien tout à l'heure quand je disais au vicomte. Et, demanda celui-ci, as-tu accepté ? Mon Dieu, oui, répondit le baron. « Ciel !» murmura la petite baronne. « Or, continua le baron, dans les antichambres, j'ai trouvé un gentilhomme assez vieux, fort laid, piètrement accoutré, qui m'a dit « Permettez-moi, monsieur, de vous féliciter de la faveur que vous venez d'obtenir, mais laissez-moi vous dire aussi que je plains sincèrement ce pauvre régiment de Bretagne. Et pourquoi cela, monsieur ? Ai-je demandé avec hauteur. « Parce qu'il aura un bien mauvais guidon, » m'a-t-il insolemment répondu. « Tu le vois, mon ami, cet homme m'a insulté. Je lui ai donné rendez-vous là, sous les fenêtres, et nous allons nous battre. »« C'est tout simple, » dit froidement le vicomte. « Comment c'est tout simple ? » exclamèrent avec effroi la petite baronne et la marquise. « Par Dieu, oui, mesdames, le baron a été insulté. Mais c'est affreux. L'honneur avant tout, » dit le vicomte. « Je te suis, baron. » La marquise prit le vicomte par le bras et l'entraîna dans un coin du boudoir. « J'espère que vous allez vous battre à sa place. » « Pas le moins du monde, marquise. Mais tout à l'heure, ne me disiez-vous pas que... » « L'insulte est trop grave. » Et le vicomte salua et voulait rejoindre le baron. Mais la marquise était une femme d'esprit. Elle était douée de l'art merveilleux de débrouiller le nœud le plus compliqué et de deviner les énigmes les plus ténébreuses. « Pardon, vicomte, » dit-elle. « J'ai encore un mot à vous dire. Veuillez me suivre au salon. » L'accent de Madame de Prie était devenu impérieux. Il renfermait la double autorité de la femme qui se sent aimée et de la femme qui a un pouvoir redoutable dans les mains. Elle regarda le vicomte en face et lui dit « Monsieur, vous avez prétendu tout à l'heure que vous m'aimiez. C'est vrai, madame. Vous savez que j'ai tout pouvoir sur monsieur de Bourbon, hélas. Et que si je montrais au duc ce papier, et la marquise déplia le quatrain du vicomte. Le vicomte pâlit. « Vous alliez coucher à la Bastille ce soir ?» acheva froidement la marquise. « Madame, dit le vicomte ému, je suis en vos mains. Faites de ma liberté ce qu'il vous plaira. Je vais vous fournir le moyen de la racheter, vicomte. Vous allez vous battre pour le baron. Impossible, marquise. Comment impossible? J'ai bien assez de mes querelles. Mais c'est votre ami. Vous redoutiez pour lui les périls de la guerre. Pouf. Un duel est moins dangereux. Et puis, marquise, vous n'y songez pas. Le duc n'aime pas les duels. J'y songe, au contraire. Et ce pauvre baron perdra son emploi de guidon accordé ce matin. Si je me battais, je perdrais celui de cornette. Vicomte, dit gravement Madame de Prie, voulez-vous que je vous explique une énigme? Quelle énigme, madame? Celle de votre amitié subite pour le baron. Ah, ricana le vicomte. Vous voulez être guidon, vicomte. Ne vous en défendez point. Et comme le précepteur du roi, monsieur de Fleury, vous protège chaudement, vous le serez certainement si le baron ne l'est pas. Mais, monsieur le duc, qui fait grand cas de monsieur de Fleury, fait encore plus grand cas de moi qui protège le baron. Or, vous vous êtes dit un jour, soyons l'ami du baron, conduisons-le partout où il pourra trouver une bonne querelle et lorsqu'il se sera battu, je n'aurai plus rien à craindre. Ai-je deviné, vicomte? Le vicomte balbutia. Or, poursuit la marquise, il est clair comme le jour à présent que l'homme qui a insulté le baron était un estafier payé par vous et par vous mis en sentinelle dans les antichambres du duc. Le vicomte pâlit. Monsieur, dit froidement Madame de Prie, je vous donne ma parole d'honneur que vous serez guidon au lieu et place du baron, mais à une condition. Laquelle? Demanda le vicomte dont l'œil étincela. Pardon, je me trompe. Je pose deux conditions au lieu d'une. Voyons la première. Vous allez empêcher ce duel. C'est facile, dit le vicomte. Et il ouvrit une croisée du salon qui donnait sur la rue dans laquelle son estafier se promenait de long en large. Il fit un signe. L'estafier comprit et disparut. Le baron ne le reverra jamais, dit-il. Quelle est la seconde condition, marquise? Celle-ci, répondit la marquise, est plus difficile. Lorsque vous aurez besoin de gagner mes bonnes grâces pour obtenir du crédit, et que vous penserez que le moyen le plus sûr et le plus efficace est de me parler d'un amour que vous n'éprouvez pas, et de le faire en un quatrain, au lieu de dépenser 10 écus, composez le quatrain vous-même. Et la marquise se prit à rire au nez du vicomte stupéfait, pirouetta sur son talon rouge et s'approcha d'une glace pour ajuster une de ses mouches qui tremblait au coin de sa lèvre et était prête à s'en détacher. Ainsi s'achève le quatrain du vicomte par Ponson de Terrailles.